Chapitre 40e. La vie pour la vie. À présent, le clown ne criait plus, ne proférait plus d'insultes. Il s'était reconquis. Assis, les mains liées, il regardait les convives. Et dans ses yeux, une lueur de sinistre ironie brillait. « Ah » finit-il par dire. « Vous êtes un malin, mon cher Paulin Broquet, vous êtes très fort. Et vous pensez avoir accompli un tour merveilleux. » Paulin Broquet ne lui répondit pas. Il donnait rapidement, tout bas, des instructions à Simon qui venait de rentrer. Eugénio avait assisté à toute cette scène émouvante sans y rien comprendre, se demandant s'il devait, et comment il le pourrait, intervenir, sans savoir dans quel sens il devait agir, se prononcer, pour qui il fallait prendre parti. En Paulin Broquet, qu'il savait homme de devoir, d'honneur, dont il admirait le caractère, la loyauté, il avait la plus grande confiance. Et franchement, en toute autre circonstance, il se serait immédiatement rangé de son côté. Mais celui à qui Paulin Broquet avait affaire était un homme qu'il employait depuis longtemps, un de ses meilleurs artistes, celui qui faisait la recette. Il avait pour Fungetti la plus grande amitié, la plus aveugle confiance, la plus sincère estime. Or, tout à coup, Paulin Broquet traitait Fungetti comme le dernier des malfaiteurs. Et pourquoi? Parce que le champion du macaroni, ayant oublié de monter du vin d'Asti, qui devait accompagner son plat royal, manifestait le désir de réparer cette négligence et témoignait l'intention d'aller à la cave chercher son vin mousseux. Il y avait bien le revolver exhibé par Fungetti. Mais Eugénio connaissait l'origine maltaise de son clown et son caractère violent, et il pouvait trouver une excuse plausible à ce geste. Il admettait, au demeurant, l'intervention de Miss Hayden, désarmant vivement Fungetti. Mais la raison exacte des chaînes passées au poignet de Fungetti par Paulin Broquet lui échappait encore. Cependant, comme il hésitait, Miss Hayden s'approcha de lui et lui dit « Laissons Paulin Broquet agir à sa guise. Vous saurez tout plus tard. Restez à côté de moi. » Et pendant ces quelques instants, les hommes de la brigade de Paulin Broquet étaient entrés dans la pièce. Ils entouraient le champion du macaroni et attendaient les ordres du chef. Fungetti essaya de braver encore Paulin Broquet. « Je vous ai dit, mon cher Paulin Broquet, que vous aviez tort de croire à la victoire. J'ai entendu. Votre tour de policier ne vous sera d'aucune utilité. Vous n'avez contre moi aucun grief et vous ne pouvez prouver aucune accusation. Nous le verrons. Si vous ne me relâchez pas, je serai quand même délivré. » Il insista en ajoutant « Malgré vous, comprenez-moi bien, malgré toutes vos prisons les plus sûres, je vous échapperai. Je serai libre, Paulin Broquet, tout à fait libre. » « Bon, » répliqua le détective, « dans ce cas, taisez-vous, prenez un peu de patience et attendez tranquillement qu'on vienne vous délivrer. » Mais Fungetti s'écria, maintenant avec un rire sarcastique, dans un élan de rage qu'il ne put maîtriser. « Vous croyez me tenir, Paulin Broquet, mais c'est moi qui vous tiens. Vous m'appartenez. Vous êtes, vous et ceux qui vous entourent, vous, Miss Hayden, toi, Eugénio, toi, Simon, vous êtes dans mes mains. Vous êtes liés à mes mains par cette chaîne d'acier. Vous êtes mes prisonniers, et vous ne pourrez m'échapper que si je le veux, que si je suis libre. » Paulin Broquet, pour toute réponse, regarda Fungetti et se mit à sourire, tandis que ses yeux gris lançaient un éclair. Puis il dit à Eugénio, « Mon ami, voulez-vous avoir l'obligeance de reconduire Miss Hayden chez elle ?» Et se tournant vers la plus belle des femmes, il ajouta, « Miss Hayden, je vous demande pardon d'avoir ainsi troublé une partie de plaisir. Ne m'en veuillez pas, je vous prie, et soyez assez aimable de me laisser poursuivre ma mission. » Miss Hayden se retira avec Eugénio. Fungetti lui cria, « Miss Hayden, au revoir. Nous ne tarderons pas à nous retrouver. » « Je vous dis adieu aussi, » fit Miss Hayden, « et ne puis que vous plaindre. » Elle s'éloigna. Paulin Broquet avisa sur un meuble une écharpe. Il la prit, la tendit à la plus belle des femmes. « Miss Hayden, vous oubliez ceci. » Mais Fungetti avait vu le geste, il reconnut l'écharpe. « Non, non » cria-t-il. « Non, ce n'est pas Miss Hayden. » Alors soudain, cet homme, qui enchaînait, raillait, bravait son vainqueur, pâlit, frémit, frissonna. Toute énergie sembla soudain l'abandonner, toute violence le fuir, toute idée de résistance lui faire un coup absolument défaut. Il changea de ton, et de railleur qu'il était, de gouailleur, il devint suppliant. Cette écharpe appartenait à Flore. Flore l'a portée la dernière fois qu'elle était venue, et en s'en allant, elle avait oublié, peut-être par mégarde, peut-être pour laisser chez son adorateur un souvenir d'elle, pour qu'il eût chez lui cette écharpe qui avait entouré ce cou adoré et qui, devenue une chaîne symbolique, lui devait rappeler son amour et aussi son esclavage, le terrible marché de son bonheur. Fungati, en voyant cette écharpe, pensa à Flore, à l'aimer, à celle qui allait lui échapper encore, à celle à qui il avait voué sa vie, pour qu'il avait commis les pires infamies, les crimes les plus odieux. Et dans cette espérance folle que peut-être il pourrait encore la revoir, il tomba à la dernière lâcheté. Il alla jusqu'à se trahir lui-même. « Miss Eden, » fit-il, les yeux maintenant gonflés de larmes, « Miss Eden, Monsieur Paulin Broquet, toi, mon camarade de génio, mon bon Simon, écoutez-moi, vous portez en vous votre mort. » Eugénio, Simon le regardèrent avec étonnement. Miss Eden et Paulin Broquet, impassibles, l'écoutaient. Ils attendaient la conclusion. « Ce macaroni dont vous vous êtes régalé, ce macaroni, dans quelques heures, va vous faire endurer les plus épouvantables tortures et vous tuer infailliblement. »« Misérable !» murmura Eugénio, malgré lui. « Assassiner ainsi lâchement les vieux camarades de cirque, cette femme adorable qui n'a jamais été que très bonne envers toi, et moi, dont tu connais les enfants qui t'aimaient bien. Allons, tu es indigne de pitié. »« Écoutez-moi, » reprit Fungati, « écoutez-moi. Les minutes, maintenant, sont comptées. Votre heure est marquée à l'horloge du destin. Rien au monde, entendez-vous, rien, aucun remède, aucune intervention des plus grands savants de la terre ne pourra vous arracher à cette fin atroce. Vous avez en vous la mort la plus horrible qui soit sur terre. Moi seul, moi, qui l'ai mise en vous, moi seul, je peux l'écarter, moi seul, je peux vous sauver. Comment cela ? Demanda Eugénio. Parle, parle vite. Oh, attends. Vie pour vie, liberté du tombeau pour liberté de la prison. Tu fais un marché infâme. Je vends votre existence à vous contre ma vie à moi. Que Paulin Broquet détache mes chaînes et me promette de me laisser partir, et je vous donne aussitôt le seul remède qui puisse vous sauver. » Paulin Broquet s'écria, se tournant vers de nouveaux personnages qui venaient d'arriver. « Vous venez d'entendre, monsieur le juge d'instruction, vous aussi, monsieur le chef de la sûreté, cet homme proclamait son crime. » Alors il dit à Miss Eden, « Miss Eden, je vous en prie, mille pardons, mais vous n'avez plus à rester dans cette maison, car après le crime vient de pénétrer la justice. » Miss Eden, au bras d'Eugénio, passa, salué par les magistrats. Comme il sortait, Fungati, voyant que maintenant il devait abandonner tout espoir de liberté, eut un accès de rage folle. Il hurla. « Allez, partez! Vous me vengerez vous-même. Oui, c'est vous qui me donnerez ma vengeance. Dans une heure, vous serez tous morts. »